chapitre 7e et dernier. L'heure arrivée, Paganini mit en sûreté sonore, posa son violon sous son bras, jeta un manteau sur ses épaules et quitta sans bruit l'hôtel. La vivacité de l'air jointe à son émotion fit refluer tout son sang vers le cœur. Il fut obligé de s'asseoir sur le perron et de recueillir ses forces défaillantes. C'était une de ces admirables nuits d'août que l'Italie seule et l'Orient connaissent, nuits mille fois plus belles que nos jours ternes ou brûlants, car elles ont la splendeur de la lune et des étoiles, avec la fraîcheur des brises et le parfum des fleurs. Les doux et calmes rayons qui tombaient du ciel remplissaient tout l'amphithéâtre de la place, se déroulant en nappe blanche sur les fontons de marbre, rejaillissant sur les marches des escaliers, se jouant au milieu des frises et des chapiteaux, scintillant aux mille vitres des fenêtres, dormant sur la sombre verdure des terrasses, dessinant les innombrables fantaisies des balcons dorés et découpant la silhouette des toits sur le ciel comme une lourde broderie sur un fond de velours et de paillettes. Le silence était si profond qu'on entendait le vent mourir aux angles des murs, le fleuve couler autour de la ville et les planètes rouler dans le firmament. Le maestro fut obligé de retarder ses pas pour en amortir le bruit. Chaque fois qu'il respirait, l'émanation des orangers venait inonder ses poumons. Paganini s'avança jusqu'en face de l'hôtel de la Donna Monti et leva lentement les yeux vers la terrasse. Un point blanc flotta sur le balcon et un bouquet, embaumant l'atmosphère, tomba aux pieds du maestro. En même temps, un voile rose dépassa le mur et Paganini reconnut la Gioconda. La jeune femme s'assit tout au bord de la terrasse, le coude appuyé sur le parapet et la tête inclinée en dehors. L'artiste posa une main sur son cœur, écarta son manteau, regarda autour de lui et prit son violon. On n'aura pas la folie de vouloir décrire cette sérénade. Que ceux qui ont entendu Paganini se rappellent les prodiges de son archet. Tous ces prodiges réunis ne sont rien auprès des mélodies qui remplirent la place de Bassano. Envolées de la boîte sonore, sur un crescendo insensible, ces mélodies montaient comme des oiseaux enchantés, se berçaient devant le balcon de la Gioconda et se perdaient avec lenteur dans les cieux. Et quand elles s'étaient évanouies, d'autres montaient encore, et d'autres leur succédaient sans fin, et toutes se confondaient en un chœur séraphique. Cela dura près d'une heure, le ciel écoutant comme la terre, l'ange pleurant comme la femme, la pierre tressaillant comme la fleur, et l'artiste jetant son âme au vent, tel qu'un rossignol en délire. Longtemps encore, peut-être, il eût continué ainsi. Et sa vie se fût exhalée tout entière avec cet hymne d'amour et de bonheur, si la Gioconda, moins forte que le virtuose, n'eût crié bravo, d'une voix éteinte et applaudie de deux mains défaillantes. Aussitôt, le violon s'arrêta court. La dernière note mourut en prenant l'essor, et l'artiste épuisé tomba sur les genoux, levant les deux bras vers la signora Monti. Mais à l'instant même, il se redressa échevelé, palpitant et perdu, et remplit l'air d'un cri effrayant. Car 2000 voix avaient répondu à celle de la Gioconda et 4000 mains au battement des siennes. Depuis 20 ans qu'on le saluait ainsi, jamais Paganini n'avait entendu un pareil tonnerre d'applaudissements et de bravos. Il crut d'abord que ses oreilles le trompaient, qu'il était le jouet d'une hallucination inouïe. Mais le bruit se renouvela en croissant, par 3 salves consécutives, et se prolongea assez longtemps pour lui enlever toute illusion. À chaque porte et à chaque fenêtre des maisons qui l'entouraient, sur chaque terrasse et sur chaque balcon, sur chaque pavé de la place et jusqu'à 10 pas de lui, il vit une multitude de têtes et de mains s'agiter en fourmillant, et il reconnut, à l'éclat de 1000 lumières, toute la population de Bassano. Bientôt il aperçut le seigneur Alberto Nota au milieu des dilettanti qui venaient le féliciter, et le sourire sardonique du comte expliqua tout au virtuose. La lettre de la Gioconda n'était pas moins fausse que le départ du seigneur. La ville entière avait été convoquée par celui-ci à la mystérieuse sérénade, et tandis que l'amoureux croyait verser le plus pur de son âme aux pieds de son idole, l'avare maestro avait donné un concert public et gratuit. Le comte Alberto s'était promis une revanche. Il ne pouvait la prendre plus complète et plus éclatante. enlevé par la foule enthousiasmée au bruit de mille acclamations. Paganini fut reporté en triomphe, mais évanoui dans sa chambre. On lui annonça le lendemain, comme à toute la ville, le prochain mariage du seigneur Alberto et de la donna Monti. Sa seule consolation fut d'apprendre par la Gioconda elle-même qu'elle avait été l'instrument de sa mystification sans en être la complice. En la prévenant que le maestro lui ménageait une sérénade, le comte n'avait point ajouté que la ville entière y assisterait, de sorte qu'elle avait été aussi surprise que le maestro lui-même, lorsqu'elle avait donné le signal involontaire de tant d'applaudissements. Tout en félicitant Paganini de son immense succès, la signora lui témoignait ses regrets d'une pareille aventure et sollicitait son indulgence pour la légèreté du comte. L'aversion la plus profonde eut moins humilié le virtuose que cette bienveillante pitié de la Gioconda. Il comprit enfin que toutes ses espérances avaient été folles, que cette femme n'aimait réellement que son violon. « Et voilà la part des plus grands artistes dans ce monde !» s'écria le maestro désespéré. « Avec tout leur génie, ils ne sont que des instruments. Au milieu de tout leur triomphe, ils ne sont que des joujoux. » Avant de quitter la ville, Paganini voulut punir la légèreté du comte, et la dernière passion qui survécut dans son âme lui suggéra un châtiment digne de lui. Il envoya au seigneur Alberto une note de 100 000 francs pour le concert que le noble dilettante lui avait fait donner à Bassano. Le comte se prit à rire aux larmes en reçoit cette note, et il chargea son intendant d'y faire honneur. Mais celui-ci, qui n'était pas forcé d'agir en gentilhomme, répondit au virtuose en homme d'affaires. Il inscrivit au dos de la note le compte de l'hospitalité donnée par son maître, en faisant monter le total à 100 000 francs, et il renvoyait le tout à Paganini. Le maestro trouva la réponse sans réplique et quitta précipitamment Bassano. Comme il sortait de la ville, il aperçut un vieillard en houppelande grise, nu-tête et nu-pied, priant tous les passants d'essayer un violon qu'il tenait à la main. Il reconnut le pauvre ménétrier avec son Stradivarius, et il vit en l'interrogeant qu'il était devenu fou. Enfermé dans son taudis depuis son entrevue avec le virtuose, le malheureux avait appris le matin que lui seul avait perdu la sérénade entendue par tout Bassano. Sa raison, déjà ébranlé par la scène de la veille, n'avait pu tenir contre ce dernier coup. Paganini soupira de douleur. En regardant le Stradivarius, jeta quelques sous à l'insensé et poursuivit sa route. L'année suivante, le maestro mourait à Nice. Voyant arriver son heure suprême, il se fit enfermer dans sa chambre, il prit son violon, qu'il n'avait pas touché depuis un an, il joua le final de la sérénade de Bassano, et son âme s'exhala avec le dernier son. Ainsi s'achève Paganini à Bassano par Pitre Chevalier.